Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée, par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 41. Des trois sortes de lieux de dévotion, comment la volonté doit se comporter à leur égard. Je trouve trois sortes de lieux propres à exciter la volonté à la dévotion. Ce sont d'abord certains sites, certains mouvements de terrain qui, par l'agréable variété de leurs aspects, réveillent naturellement la dévotion, en déroulant à nos yeux des vallées ou des montagnes, des bois ou une paisible solitude. Ce sont là des moyens très avantageux, pourvu que la volonté se transporte aussitôt en Dieu, et oublie ses lieux enchanteurs. Pour arriver au terme, il ne faut pas s'arrêter en route, ni se laisser retenir par le moyen plus qu'il n'est nécessaire. Nul doute que si vous cherchez à entretenir la vie des sens et à les récréer, l'aridité d'esprit et les distractions ne tarderont pas à se produire. Seul, le recueillement intérieur est capable de faire jaillir la source des délices spirituels. C'est pourquoi, loin de vous arrêter ça et là, à la jouissance et au plaisir des beautés de la nature, hâtez-vous de les oublier, sous peine d'énerver l'âme dans une récréation sensible, qui favorise l'instabilité de l'esprit. Au sein des plus vastes et des plus beaux déserts, les anachorètes et les saints ermites se contentaient du strict nécessaire, et choisissaient le lieu le plus restreint pour y bâtir une étroite cellule, y creuser une grotte où ils se renfermaient à l'abri de tous les regards. Saint Benoît y passa trois années consécutives, un autre solitaire s'attacha avec une corde pour ne pas franchir la limite fixée par ce lien volontaire. Et ainsi d'une foule d'autres dont l'énumération serait trop longue, oh comme ces saints étaient bien persuadés que s'ils n'éteignaient pas en eux la convoitise, et les tendances naturelles, même dans ce qui est spirituel, jamais ils ne posséderaient les vraies joies de l'esprit. En second lieu, il est des endroits particuliers, où Dieu se plaît à accorder à certaines personnes des faveurs spirituelles signalées et très savoureuses, que ce soit au milieu des déserts ou ailleurs. Peu importe, les âmes favorisées de ces grâces se portent instinctivement vers l'endroit où elles les ont reçues, et elles ressentent parfois des désirs véhéments d'y revenir. Néanmoins, il ne s'ensuit pas qu'elles y retrouvent les délices dont elles avaient joui autrefois. Ces goûts ineffables ne sont pas arbitraires, et Dieu les distribue quand, comme et où il lui plaît, dans une souveraine indépendance de lieu, de temps, et de la volonté de celui à qui il les accorde. Si le cœur est dépouillé de toute attache égoïste, il pourra lui être utile d'aller prier quelquefois dans ces lieux privilégiés, et cela pour trois raisons. Premièrement, quoique Dieu ne tienne pas compte d'un lieu particulier, comme nous l'avons dit, il semble cependant désirer de recevoir en ce même endroit les louanges de cette âme, puisque c'est là qu'il lui accordait ses faveurs. Secondement, l'âme ressent davantage, lorsqu'elle se retrouve à cette même place, le besoin de témoigner à Dieu sa reconnaissance pour les bienfaits qu'elle lui a reçus. Troisièmement, le souvenir du passé réveille encore la dévotion. Pour toutes ces raisons, le désir de revoir ces lieux est donc louable, mais, encore une fois, il ne faut pas s'imaginer que Dieu soit engagé, par un premier bienfait, à renouveler ses dons toujours au même endroit, sans pouvoir le faire ailleurs. L'âme, même, est le centre le plus convenable et le plus apte à recevoir les libéralités divines. Nous lisons dans les Saintes Écritures, qu'Abraham érigea un autel à la place même où le Seigneur lui était apparu, et que là il invoqua son saint nom, Genèse 12, 7, 8. Plus tard, À son retour d'Égypte, le patriarche s'arrêta au même lieu pour offrir ses prières sur l'autel qu'il avait élevé, Ibidem, 13, 3, 4. Jacob marqua l'endroit où le Seigneur s'était montré à lui, au sommet de l'échelle mystérieuse, il y dressa une pierre en forme d'autel, après l'avoir consacré avec de l'huile, Ibidem, 28, 18. Agar, en signe de vénération, donna un nom à la place où l'ange lui était apparu, « Assurément, dit-elle, j'ai vu ici l'ombre de celui qui me voit, c'est pourquoi est la place puits, le puits de celui qui est vivant et qui me voit, Ibidem, 16, 13, 14. Il y a encore d'autres lieux de dévotion, ce sont ceux que le Seigneur a désignés pour y être, servi et invoqué d'une manière spéciale, tels furent le mont Sinaï où Dieu donna la loi à Moïse, Exode, 24, 12, la montagne qu'il indiqua au père des croyants pour immoler son fils, Genèse, 22, 2, le mont Horeb où Dieu voulut se manifester à notre père Saint Élie, 3, Rois, 19, 8, dans l'ère chrétienne, nous voyons Saint Michel apparaître à l'évêque de Siponto, et lui demander de bâtir une église en l'honneur des saints anges, sur le mont Gargan, dont il était le gardien, Brévarium, lecture 4, Infesto. Saint Michel, enfin la glorieuse Vierge elle-même désigna à Rome, par le prodige inouï de la neige tombée au mois d'août, l'emplacement où elle désirait que le patrice Jean élevât un sanctuaire dédié à son nom, Brévarium lecture 5, Infesto Sainte Marie des Neiges. Dieu seul connaît le secret de ses préférences données à tel endroit sur tel autre, pour y recevoir le culte et l'hommage des hommes. Quant à nous, il nous suffit de savoir que sa sagesse adorable coordonne tout pour notre avantage. Les prières que nous lui adressons en quelque lieu que ce soit, avec une foi sincère, trouvent un accès favorable auprès de sa divine majesté, cependant les sanctuaires spécialement dédiés à son honneur, nous offrent plus d'assurance d'être exaucés, attendu que l'Église les a consacrés à la prière. Chapitre 42. De certains autres moyens dont plusieurs personnes se servent dans la prière, et qui consistent en une foule de cérémonies diverses. On voit un grand nombre d'âmes s'adonner à d'inutiles joies, et se laisser dominer par l'esprit de propriété, au sujet des objets et des lieux de dévotion dont nous nous avons parlé. Mais au milieu de ces imperfections, elles conservent une sorte de bonne foi, qui les rend excusables jusqu'à un certain point, cependant, quelques-unes d'entre elles ont un attachement exagéré pour une foule de cérémonies inventées par des gens peu éclairés, et dépourvus de la simplicité de la foi, que cela devient tout à fait insupportable, laissons de côté pour l'instant ces pratiques ridicules, dans lesquelles ont fait usage de certains mots extraordinaires. Ou d'expressions insignifiantes, ne parlons pas non plus de ces gestes et de ces simagrées profanes, que des gens superstitieux, d'une conscience grossière et suspecte, entremêlent d'ordinaire à leurs prières, tout cela est évidemment mauvais, et il y a péché à s'y livrer, parfois même on ne le fait qu'en vertu d'un pacte secret avec le démon, aussi cette même manière d'agir, loin de provoquer la miséricorde de Dieu, excite-t-elle sa colère. Je me borne à parler de certaines personnes, assez nombreuses aujourd'hui, qui, tout en ne mêlant pas à leurs exercices religieux des cérémonies aussi suspectes, adoptent cependant d'autres superstitions avec une dévotion fort indiscrète. Elles attachent une foi et une importance démesurées aux détails vétilleux dont elles accompagnent leurs prières et tous leurs exercices spirituels, s'il y manque un iota, ou si on dépasse les limites fixées par leurs caprices, tout est perdu, il semble que Dieu restera sourd à leurs supplications, leur confiance, Au lieu de s'appuyer sur la ferveur de la prière, se base exclusivement sur ces cérémonies superflues, une pareille conduite constitue une grave injure et une grande irrévérence envers la majesté divine. Faut-il citer quelques exemples? La messe doit être célébrée avec un certain nombre de cierges, ni plus ni moins, offertes par tel ou tel prêtre, à jour fixe, sans anticiper ni retarder l'heure. S'agit-il d'un autre acte religieux? Il faut l'accomplir à une époque précise, y joindre tel nombre d'oraisons et de stations, l'exécuter dans telle ou telle posture, avec des rubriques déterminées. Et cet ordre doit être scrupuleusement gardé sans aucun changement. Il faut encore que la personne députée pour ce ministère jouisse de certaines prérogatives ou de certaines qualités. Si par hasard une seule chose vient à manquer à cet étrange cérémonial, tout est perdu au jugement de ces personnes, qui s'assujettissent ainsi à mille absurdités. Mais ce qui est plus intolérable encore, c'est la sotte prétention de plusieurs, qui après la récitation de ces oraisons superstitieuses, veulent ressentir aussitôt les effets de leur prière, et voir leur désir s'accomplir sans retard. C'est là tenter Dieu et attirer sa juste indignation, c'est aussi fournir aux démons une belle occasion de tromper les âmes, en leur suggérant des sentiments et des lumières tout à fait opposés à leur avantage spirituel. Certes, leur attachement obstiné à ces ridicules préjugés mérite bien un semblable châtiment. Elles y recherchent la satisfaction de leur amour propre, plutôt que l'accomplissement du bon plaisir divin, et comme elles n'ont pas placé en Dieu toute leur confiance, jamais elles ne retireront aucun profit de leurs exercices religieux. Chapitre 43. Comment on doit diriger vers Dieu la joie et l'intention de la volonté dans ses exercices de dévotion? Plus une personne est engouée de ces vaines cérémonies, moins elle témoigne de confiance en Dieu, et moins aussi ses prières ont d'efficacité. Il en est qui font passer leurs prétentions personnelles avant les intérêts de la gloire de Dieu, bien qu'au fond ces gens-là n'ignorent pas que la réalisation de leurs vœux est toujours subordonnée à la volonté divine, l'esprit de propriété dont ils sont imbus, et la vaine joie qui les anime, les porte cependant à multiplier outre mesure leurs prières. Pour obtenir l'effet de leurs demandes, ils feraient bien mieux de donner un autre but à leurs supplications, et de s'occuper de choses plus importantes pour eux, comme d'obtenir une grande pureté de conscience, et l'intelligence des affaires du salut éternel. Toutes les autres faveurs en dehors de celles-ci doivent être reléguées au second rang. D'ailleurs, en demandant l'essentiel, on obtient également tout le reste. Plutôt et mieux que si on avait employé à l'acquérir toute l'énergie de ses désirs, le Seigneur l'a ainsi promis: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33. Telle est la prière la plus parfaite à ses yeux, et rien n'est plus propre à faire agréer nos souhaits que de solliciter avant tout l'accomplissement de la divine volonté. Alors, non seulement Dieu nous comblera des grâces nécessaires pour opérer notre salut, mais encore il nous dispensera les biens qu'il sait nous être les meilleurs, et nous convenir le mieux. Quand même nous n'aurions pas prié à cette intention, David nous le fait comprendre dans un psaume: le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Psaume 144, 18. Or, ceux-là l'invoquent en vérité, qui lui demandent les dons les plus élevés, en d'autres termes, les grâces du salut. Le prophète royal, en parlant d'eux, ajoute aussitôt: il accomplira la volonté de ceux qui le craignent, il exaucera leurs prières, et il les sauvera. Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment. Psaume 144, 19, 20. Cette expression, Dieu est proche, signifie la disposition où il est d'écouter leurs demandes, et de satisfaire leurs désirs, ce même qu'il n'avait pas songé à formuler. Il est rapporté au livre des Paralipomènes, que Salomon, après avoir prié le Seigneur de lui accorder la grâce qu'il savait être la plus conforme à son bon plaisir, c'est-à-dire la sagesse, afin de gouverner son peuple suivant les lois de l'équité, entendit cette réponse, « Puisque votre cœur a préféré la sagesse à toute autre chose, et que vous ne m'avez point demandé des richesses, ni de grands biens, ni la gloire, ni la vie de ceux qui vous haïssent, ni même de longs jours, et que vous m'avez demandé la sagesse et la science, afin de pouvoir gouverner mon peuple sur lequel je vous ai établi roi, la sagesse et la science vous sont accordées, et je vous donnerai de plus les honneurs, la prospérité et la gloire, jamais roi, avant ni après vous, ne pourra vous être comparé. » 2. Parali, abréviation de Paralipomène, 1, 11, 12, Dieu, fidèle à sa promesse, réduisit tous les ennemis du roi d'Israël à lui payer tribut, et tous les peuples voisins s'honoraient de vivre en paix avec lui. La Genèse nous en fournit un exemple. Abraham avait demandé à Dieu de multiplier la postérité d'Isaac, son fils légitime. Or cette prière plut au Seigneur, qui lui promit de la rendre aussi nombreuse que les étoiles du firmament, puis il ajouta, « Je ne laisserai pas néanmoins de rendre le fils de votre servante chef d'un grand peuple, parce qu'il est sorti de vous. » Genèse 21, 13. Ces diverses citations mettent une fois de plus en évidence la nécessité de consacrer à Dieu seul l'énergie et la ferveur de la volonté dans tous nos actes religieux, et de ne pas chercher à nous appuyer sur certaines pratiques cérémonieuses que l'Église catholique désapprouve et dont elle ne fait pas usage, laisser aux prêtres la liberté d'offrir le Saint-Sacrifice, comme il convient et selon les règles de la liturgie, et ne vous mêlez pas d'introduire des innovations, prétendriez-vous avoir plus de lumière que l'Esprit Saint et que l'Église inspirée par lui, si, en suivant cette voie toute simple, vous n'êtes pas exaucé de Dieu. Ne croyez pas l'être davantage en multipliant vos puériles inventions. Quant aux autres dévotions qui consistent à réciter des prières, et à se livrer à divers exercices de piété, il ne faut pas s'attacher à des méthodes, à des formules différentes de celles qui nous sont enseignées par le Christ et par ses vicaires. Luc 11, 1, 2. Lorsque les disciples supplièrent le divin maître de leur apprendre à prier, lui qui connaissait si parfaitement la volonté du Père éternel, leur transmit, sans nul doute, ce qui était le plus capable de l'incliner à écouter favorablement nos prières. Or il s'est contenté de leur apprendre les sept demandes du Pater Noster, où se trouvent exprimés tous nos besoins spirituels et temporels. Il n'ajouta pas à cette instruction une quantité de formules, ni de cérémonies, loin de là, dans une autre circonstance, il leur prescrivit de ne pas user de beaucoup de paroles dans leurs prières, car votre Père Céleste commit bien toutes vos nécessités. Matthieu 7, 7, 8. Notre Seigneur leur recommanda encore avec instance de persévérer dans la prière, c'est-à-dire dans la récitation de l'oraison dominicale. Il faut toujours prier, et ne point se lasser. Luc 18, 1. Ainsi, vous le voyez, il ne nous a pas appris à varier nos demandes, mais il veut que nous les renouvelions souvent avec ferveur et attention. Les quelques mots du Pater résument, en effet, tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu est utile pour nous. Le Sauveur du monde a lui-même suivi ce conseil lorsque, dans l'angoisse de son agonie au jardin de Gethsémani, il s'adressa à son Père et répéta trois fois les mêmes paroles. « Mon Père, s'il est possible, Que ce calice s'éloigne de moi, néanmoins que votre volonté se fasse, et non la mienne. Matthieu 26, 39. À ce précepte notre Seigneur en ajoint un second, sur les règles extérieures à garder dans la prière, il nous en a signalé deux principales, d'abord de nous retirer dans le secret de notre demeure où, à l'abri du tumulte et de tout regard humain, nous pourrons prier avec un cœur plus pur et plus dégagé, lorsque vous voudrez prier, entrez dans votre chambre, et la porte en étant fermée, priez votre Père dans le secret, Matthieu 6, 6. En second lieu, il nous conseille de fuir à son exemple, sur les montagnes et dans les déserts pour consacrer à la prière les heures les plus silencieuses de la nuit. Ainsi donc, rien de particulier dans nos prières, pas d'expressions équivoques, ni de cérémonies différentes de celles dont l'Église a autorisé l'usage. Toutes les prières, je le répète, ne sont, elles pas renfermées dans les demandes si succinctes du Pater Noster. Je suis loin de condamner les personnes qui se proposent certains jours déterminés pour remplir leur dévotion, faire des neuvaines ou se livrer à d'autres pratiques pieuses. Mais ce qui me semble blâmable, c'est la conduite de ceux qui se restreignent avec opiniâtreté aux formalités exclusives du temps, du lieu et de la manière. Judith ne reprochait pas autre chose aux habitants de Béthulie, lorsqu'elle les reprit d'avoir fixé à Dieu la limite dans laquelle ils espéraient recevoir l'effet de ses miséricordes, et qui est, vous pourtenter le Seigneur, ce n'est pas là le moyen d'attirer sa miséricorde, mais plutôt d'exciter sa colère et d'allumer sa fureur. Judith, 8, 11, 12.